Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'OVNI de Roswell. Les faits remontent au mois de juillet 1947, lorsqu'en pleine nuit, un objet volant non identifié s'écrase en plein désert, quelque part dans le sud-ouest des États-Unis. Immédiatement, le Pentagone conclut un simple accident. L'aéronef en question sera un ballon sonde expérimental appartenant à l'US Air Force. Il se serait crashé à cause du vent. Voilà, arrêtez de rêver, c'est dangereux de rêver. Heureusement, et ne serait-ce que pour l'intérêt de notre histoire, dans les jours qui suivent, un porte-parole de l'armée évoque une toute autre piste. Une soucoupe volante dont on aurait récupéré sur place les débris. Plus intriguant encore, des habitants de la région prétendent avoir retrouvé dans les champs d'étranges morceaux de carcasses, des objets qui, tant par leur forme que par leur surface, ne ressemblent alors à rien de ce qu'on connaît sur Terre. Voilà, l'affaire aurait pu en rester là, sur le rêve encore déçu d'une existence extraterrestre qui ne se manifeste pas. Mais 35 ans plus tard, au début des années 80, Roswell rebondit. Des journalistes affirment, sur la base de documents déclassifiés et de nombreux et nouveaux témoignages, qu'au moment de l'accident, les militaires américains ont bloqué l'accès au site du crash afin de pouvoir examiner un vaisseau en forme de disque et qu'ils en auraient extrait un corps de petite taille. Alors, que s'est-il réellement passé à Roswell dans la nuit du 3 ou 4 juillet 1947 et pourquoi cette affaire est-elle devenue l'épicentre de toutes les croyances sur l'existence des extraterrestres ? Notre invité aujourd'hui, Thomas Negaroff, historien, spécialiste des États-Unis, journaliste à France Info. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier s'intitule Pudzi, paru chez Gallimard en octobre dernier. Il n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est un livre très intéressant dont nous parlerons en fin d'interview. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La première fois que j'ai découvert l'intérieur du vaisseau, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu du mal à réaliser. Vous avez l'impression de voir quelque chose que vous ne devriez pas voir. Je sais que ça semble bizarre, mais c'est vraiment difficile de réaliser. Ce n'est pas de l'excitation. Vous vous posez plein de questions dans votre tête, d'où est-ce que cela vient, mais vous savez que personne ne vous donnera la réponse. Et le témoignage que vous venez d'entendre a été enregistré le 15 mai 1989, quelque part dans le désert du Nevada, dans l'ouest des États-Unis. Sur les images de ce reportage vidéo, diffusé par la suite à la télé, on distingue la silhouette d'un homme d'environ 30-35 ans. Il est assis à l'avant d'un pick-up. Son visage est masqué par l'ombre. Celui qui mène l'interview et qui tient la caméra, c'est le journaliste George Knapp, reporter vedette d'une chaîne de Las Vegas. Quelques jours plus tôt, alors qu'il sortait avec sa femme d'un restaurant, il était abordé par un individu à l'allure étrange qui lui a dit « Je travaille dans une base secrète de l'armée et j'ai vu des choses. » « Ah bon ? Quoi exactement ?» lui demande Knapp. « Des choses dont tout le monde cherche à savoir si elles existent vraiment, » répond l'individu. Sceptique, Knapp lui a demandé son nom. Pas de réponse. Mais afin de prouver qu'il n'était pas un affabulateur, le témoin a sorti de sa poche un laissez-passer. Sur cette carte en plastique blanc, grande comme une carte de crédit, était inscrit un logo bleu avec une tête d'aigle à l'encre noire portant la mention « Département d'État de l'énergie, laboratoire de Los Alamos, bâtiment S4 ». Curieux, Knapp a alors proposer à l'individu de le revoir, et cette fois d'enregistrer son témoignage. Les deux hommes sont convenus d'un jour et d'une heure de rendez-vous, à un endroit où personne ne pourra les déranger. Et lundi 15 mai 1989, désert de Mojave, état du Nevada, à une trentaine de kilomètres de Las Vegas. C'est à bord du pick-up de George Knapp que se déroule l'entrevue. Peu avant qu'il ne commence à filmer, le reporter découvre l'identité de son interlocuteur, un certain Bob Lazar, un nom qui figure bien sur la liste des personnes accréditées au laboratoire de Los Alamos, comme pourra s'en rendre compte par la suite le journaliste. Le laboratoire dont il est question ici, Los Alamos, est un complexe de recherche ultra secret, intimement lié à l'armée américaine. C'est ici, par exemple, que fut développé le projet Manhattan, comprenait la bombe atomique américaine. Tous ceux qui travaillent ici ont donc interdiction absolue de parler, sous peine de finir leur vie en prison. prétextant que sa sécurité pourrait être menacée, Lazar demande donc à ce que le journaliste l'appelle uniquement par le pseudo Dennis. Il veut aussi que son visage ne soit pas reconnaissable sur la vidéo, d'où ce cadrage de la caméra qui se concentre sur l'arrière-plan. Le témoin explique qu'il travaille à Los Alamos depuis plusieurs années comme ingénieur en électronique. C'est à partir de là, dit-il, qu'il aurait été impliqué dans un projet de recherche sur un nouveau type de carburant. Un projet dont les essais se déroulent dans le laboratoire S4, situé sur la base militaire de Groom Lake, un endroit perdu entre les montagnes à quelques dizaines de kilomètres au nord de Las Vegas. Un lieu connu également sous le nom de Zone 51. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas ? En fait, il y a plusieurs vaisseaux. En tout, il y a 9 soucoupes volantes qui sont toutes d'origine extraterrestre. Et certaines ont été démontées. Certaines sont dans des états différents avec des pièces modifiées. On les utilise pour des vols d'essai et le but, c'est de les analyser. Je n'ai aucun moyen de prouver ce que je dis sans donner mon identité et avoir plus de problèmes que je n'en ai déjà. Outre son témoignage, parmi les preuves qu'avance Bob Lazar, il y a d'abord une note du Pentagone. Sur celle-ci, on découvre que le ministère de la Défense américain financerait un programme top secret de détection de menaces aérospatiales et d'objets inconnus. Coût de l'opération, 15 millions de dollars pour la seule année 1989. Lieu des expérimentations, la base militaire de Groom Lake, dans le Nevada. Les Nevada, là où précisément se situe le laboratoire S4, et là où travaille Lazar. Pour étayer ces informations, il se lance dans des démonstrations physiques plus ou moins approximatives. D'après lui, les disques volants entreposés dans le hangar du laboratoire S4 sont capables de voler à la vitesse de la lumière et ils peuvent aussi se déplacer dans l'espace en suivant des trajectoires parfaitement perpendiculaires. Enfin, ajoute Lazar, ces vaisseaux sont dotés d'un système d'antigravité qui leur permet de rester immobiles dans le ciel, d'où le fait qu'on les confond parfois avec les étoiles. Vous savez, la plus grande préoccupation des ingénieurs civils, des généraux de l'armée et même des experts de la NASA qui travaillent à S4, poursuit Lazar, c'est d'arriver à recréer le carburant qu'utilisent ces engins afin d'utiliser cette même énergie pour nos avions de chasse, nos fusées et même nos sous-marins. Il ajoute que la plupart des vidéos amateurs tournées aux environs de la zone 51 et de la base militaire de Groom Lake, celles sur lesquelles on peut voir des étranges balais de points lumineux, seraient en réalité des séquences d'exercices de pilotage de vaisseaux aliens. Puis il écoute Lazar, plus le journaliste George Knapp peine à cacher son excitation. Car la vedette de la chaîne de Las Vegas en est maintenant persuadé, il tient un scoop. Bob Lazar nous a dit qu'il n'avait pas l'intention de faire une tournée de conférences sur les événements extraterrestres. Il nous a dit aussi qu'il ne donnerait pas d'autres entrevues. Et en fait, il n'était pas très motivé à l'idée de faire la nôtre. Et il l'a fait, car peu importe qui dirige le laboratoire S4, ces personnes fraudent et mentent aux citoyens américains et à la communauté scientifique. Les autres personnes, qui disent connaître très bien Lazar, confirment que son histoire est bien vraie. Et même s'ils avaient vraiment ces fameuses soucoupes, ça paraît être un secret difficile à garder. Oui, cela semble difficile, et pourtant, pour les supérieurs de Lazar, c'est le secret le plus facile du monde à garder. Ça a déjà été révélé par le passé, personne n'y a cru. Ce n'est pas la première fois que, sous couvert d'anonymat ou non d'ailleurs, quelqu'un prétend apporter des révélations sur l'existence de vaisseaux extraterrestres. À ceci près qu'avec Bob Lazar, c'est cette fois un scientifique travaillant au cœur même du projet qui accepte d'en parler. Voilà plusieurs années qu'une rumeur court au sujet de l'existence d'une zone interdite sur le territoire des États-Unis. Cet endroit, qui ne figure sur aucune carte et qui appartient au complexe militaire de Groom Lake, c'est la très mystérieuse Zone 51. Les spécialistes des phénomènes ovnis, les ufologues, prétendent que le gouvernement américain cacherait sur place non seulement des technologies extraterrestres, mais aussi des aliens sur lesquels on aurait pratiqué des expériences de dissection et d'analyse anatomique. « Depuis les collines environnant la zone 51, sur la seule base de quelques rares photos prises au téléobjectif, on peut distinguer une base aérienne entourée d'un large désert de sel. Au milieu, deux pistes de décollage, dont l'une paraît bien longue. Il y a aussi, au loin, de très grands hangars, tous fermés. On voit également des baraquements dont toutes les fenêtres ont les rideaux tirés. Mais surtout, on ne distingue sur le site aucune activité. Non, pas de voiture, ni de soldats, ni même d'avion. À première vue, l'endroit semble à l'abandon. Pour les ufologues, il s'agit là d'un subterfuge de l'armée, car en réalité, le cœur névralgique de la base se situerait en sous-sol. Sur une dizaine de niveaux et jusqu'à 200 mètres sous terre, la zone 51 abriterait différents laboratoires de recherche top secrets. Et c'est dans l'un d'eux, le S4, que travaillerait Bob Lazar, où seraient donc, d'après lui, entreposés les vaisseaux extraterrestres. Parmi ceux qui cherchent la vérité sur cet endroit, il y a également Glenn Campbell. Ancien engagé volontaire dans l'armée, ancien vendeur de voitures, c'est un passionné d'ufologie. Depuis plusieurs années, il vient traîner la nuit aux environs de la base de Groom Lake. Sa caméra vidéo dans une main, une carte de la région dans l'autre. À sa manière, il tente de percer le mystère de la base. Ce n'est pas un endroit où le droit est respecté. C'est la frontière du monde libre avec un régime totalitaire. Un endroit très curieux, où existent des conflits comme nulle part ailleurs dans le monde. Area 51 est ce bloc de land right here. La zone 51, c'est ce terrain, juste ici. L'espace aérien y est interdit, même aux pilotes de l'armée. On l'appelle Dreamland, le pays des rêves. À l'origine du phénomène de la zone 51, il y a une histoire qui raconte que le gouvernement travaille sur des engins extraterrestres. Je crois que cette histoire est crédible et mérite de l'attention. Ceci est une importante zone d'exercice militaire. Cela provoque des tas de lumières dans le ciel, des flammes, des bombes. Tout ressemble à des ovnis. Et les gens viennent ici pour une nuit, voient ces lumières et les conforment à ce qu'ils voulaient voir. On parle d'un phénomène social, un phénomène anthropologique et psychologique qui vous enseigne davantage sur les gens qui observent la base que sur la base elle-même. Roswell, un nom connu par tous les spécialistes d'ufologie et qui semble être le point de départ de toute cette histoire. Roswell, une affaire qui nous replonge à l'été 47 donc, lorsque cette petite ville, située dans le désert du Nouveau-Mexique, fut le théâtre d'un mystérieux accident. Mercredi 2 juillet 1947, comté de Corona, désert du Nouveau-Mexique. En pleine nuit, William McBrazel, un fermier de la région, est réveillé par une explosion. Au loin, il distingue des éclats lumineux. Le lendemain matin, lorsqu'il emmène ses animaux paître, l'homme découvre dans ses champs une multitude de débris dont, dira-t-il, certains semblaient métalliques, d'autres avaient l'air de morceaux de bâche brillante. En l'espace d'une heure, il met la main sur plusieurs dizaines de morceaux, il les rapporte dans son ranch et les montre à sa famille ainsi qu'à quelques voisins curieux, et tous sont stupéfaits. La ferme des McBrazel est située dans un endroit très reculé, encerclé par la montagne. William décide d'attendre son prochain voyage en ville 4 jours plus tard, soit le dimanche 6 juillet, pour aller déposer ses débris au bureau du shérif, qui prévient des militaires de la base de Roswell, située à 130 km de là. Illico, ceux-ci se rendent sur le lieu de l'accident. Une journée durant, ils empêchent les gens des environs d'approcher le site du crash. Sur place, à l'abri des regards indiscrets, ils inspectent tous les débris, puis les chargent à bord de gros camions de transport bâchés. Le tout est transféré sous bonne escorte vers 2 bases militaires de la région. Parmi ceux qui supervisent l'opération, il y a le major Jesse Marcel. De retour à la base de Roswell, il raconte à sa femme et à son fils à quoi ressemblent ces débris. Et c'est le fils qui témoignera plus tard de ce que son père lui a raconté. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. De ce qu'il en a vu, les éléments étaient faits d'une matière très dense et très solide. L'échantillon qu'il avait eu n'était pas malléable. Il aurait fallu au moins 10 fois sa force pour le plier. Cela ressemblait à d'étranges bouts de bois, de taille intermédiaire, très légers, mais très costauds. Si Si l'armée américaine prend l'affaire très au sérieux, c'est que depuis plusieurs semaines, des témoins affirment avoir vu, la nuit, des objets lumineux traverser le ciel à grande vitesse au-dessus de l'Arizona, du Nevada ou encore de l'Idaho. À chaque fois, les radars civils et militaires n'ont rien relevé, comme s'il n'y avait eu aucun passage. De son côté, la presse relaie toute cette série d'étranges affaires en y ajoutant à chaque fois la mention en anglais « Flying Saucer », comprenait « soucoupe volante » parce qu'il fallait bien trouver une formule. En tout cas, tous les témoignages concordent pour dire que ces objets volants avaient la forme d'un disque, donc va pour soucoupe volante. Dans les articles, il n'est alors jamais question d'aliens ou d'extraterrestres, ou non. L'hypothèse admise par certains scientifiques de l'université de Phoenix penche plutôt pour un phénomène cosmologique de grande ampleur, comme des morceaux de météorites, par exemple. Bon, c'est beaucoup moins drôle que des petits bonhommes verts, mais la science n'a pas toujours le sens de la rêverie. Dans le cas des débris retrouvés à proximité de la ferme de William McBrazel, l'empressement de l'armée s'explique aussi par le fait que Roswell abrite la seule escadrille de bombardiers atomiques du continent. Un site stratégique donc. Et si c'était un coup des soviétiques? En cette époque de guerre froide, la théorie du complot porte un nom. Elle est d'abord adossée à tout ce qui touche de près ou de loin l'URSS. Faute d'éléments supplémentaires, dans les semaines qui suivent, l'affaire de Roswell disparaît de la presse. Son issue semble déjà entendue. C'est alors que l'armée américaine publie un communiqué officiel annonçant qu'elle serait en possession des débris d'une soucoupe volante. Et c'est reparti, et de plus belle. Et si c'est l'armée qui le dit. À la une de cette édition du 8 juillet 1947, l'US Air Force annonce avoir retrouvé et récupéré une soucoupe volante. Des officiers ont expliqué que cette soucoupe s'était écrasée la semaine dernière. Elle a depuis été emmenée à la base de Roswell, au Nouveau-Mexique, puis à Wright Field, Ohio, pour d'autres analyses. Le lendemain, nouvelle conférence de presse, mais cette fois, le Pentagone et l'US Air Force démentent catégoriquement avoir retrouvé une soucoupe volante. Le porte-parole de l'armée affirme qu'il s'agit en fait d'une lamentable et stupide méprise due à l'empressement lors de la diffusion du communiqué. Surpris en flagrant délit d'imagination, la population est ainsi sommée d'arrêter de fantasmer. D'après les militaires, l'objet accidenté dans le désert et dont on a retrouvé, il est vrai, quelques débris à proximité de la ferme des McBrazel, ne serait qu'un simple ballon sonde expérimental qui, pris cette nuit-là dans l'orage, se serait écrasé au sol. Afin de prouver que l'US Air Force n'a rien à cacher, le porte-parole invite les journalistes à venir voir les débris entreposés dans un hangar. Des morceaux de métal abîmés, des morceaux de bâche déchirés. Pour l'envoyé spécial au Washington Post, ainsi que pour tous ses confrères, l'affaire est entendue, c'est bien un ballon sonde qui s'est écrasé à Roswell dans la nuit du 2 au 3 juillet 1947. Donc, fin de l'histoire. Comme souvent en ufologie, l'activité passion la plus frustrante qui soit, elle est même un peu maso. Pendant les décennies qui vont suivre, l'affaire de la soucoupe volante de Roswell disparaît des écrans radars et plonge les limbes des archives de la presse. Avant de curieusement ressurgir au milieu des années 70 sous les traits d'une gigantesque mystification. Stranded. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. À Radio-Terre. Les images arrivent, attention. C'est fait. L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Le 20 juillet 1969, les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin accomplissent les premiers pas de l'homme sur la Lune. Témoignage d'une époque bénie où la politique, la guerre froide, avait accouché de l'aventure humaine la plus grandiose qui soit. Le rêve devenait réalité. Et dans la foulée de cette réalité scientifique et technique, l'écrivain Arthur Clarke, par exemple, s'autorisait cette question « Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers ?» Depuis quelques mois déjà, dans les salles de cinéma, Stanley Kubrick fait vivre aux spectateurs une expérience d'anticipation cinématographique inédite. Avec 2001, l'Odyssée de l'espace, le réalisateur américain aborde l'idée que la machine, à force d'être sophistiquée, pourrait bien supplanter l'homme et lui jouer des mauvais tours dans l'espace. Bien avant, l'écrivain H.G. Wells, dans son roman de science-fiction « La guerre des mondes », évoquait, lui, le sujet d'une humanité confrontée un jour à une race extraterrestre hostile. Aux États-Unis, au début des années 70, l'ufologie est en vogue. Et quelques événements vont venir apporter de l'eau à son moulin. C'est le cas au printemps 1974, lorsque le prototype d'un avion expérimental de US Air Force s'écrase peu après son décollage de la base aérienne d'Edwards, en Californie. L'appareil, destiné à espionner l'URSS, contient du matériel photographique top secret. L'armée américaine déploie autour du site du crash des moyens de recherche considérables. En conférence de presse, le porte-parole de l'armée parle alors, et pour couvrir les militaires, d'un simple accident de ballon-sonde météorologique appartenant à la NASA, l'agence spatiale américaine. Certains ufologues accusent alors l'armée de mentir et réclament les documents de l'enquête. L'US Air Force botte en touche. Et comme en témoigne le chercheur au CNRS et spécialiste de l'ufologie Pierre Lagrange, les passionnés d'OVNI vont réussir à obtenir une multitude de documents classifiés sur ces accidents. Des documents qui vont pour certains remettre au goût du jour l'affaire de Roswell. Dans les années 70, avec le renforcement du Freedom of Information Act, qui est la loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs, qui est très efficace aux États-Unis, il devient très facile, beaucoup plus facile pour les citoyens, d'obtenir des documents de l'administration américaine. Et les ufologues vont s'en servir à partir de 1976. Et ils vont faire des classifiés par l'US Air Force, par le FBI, par la CIA et même par la NSA, tout un tas de documents qui sont relatifs à tout ce que ces organismes ont pu faire de près ou de loin sur la question des ovnis. Comme beaucoup de ces documents sont caviardés, notamment ceux de la CIA et la NSA, les ufologues vont passer énormément d'années à essayer de déterminer ce qu'il y a sous l'encre noire qui camoufle une partie des informations. Parmi ceux qui vont faire revenir Roswell à la une de l'actualité, il y a Stanton Friedman. Ancien physicien nucléaire, il est dans les années 70 l'un des ufologues les plus influents aux États-Unis. Outre des conférences dans les lycées et universités du pays, il participe depuis plusieurs années en tant qu'enquêteur civil à l'enquête sur l'accident de 1947 à Roswell. C'est dans ce cadre qu'il rencontre Jesse Marcel en 1978, qui fut, rappelons-le, l'un des premiers soldats à expertiser les débris sur le site du crash. Âgé désormais de 73 ans, malade, Marcel passe de longues après-midi seul en tête à tête avec Friedman. L'ufologue explique. Jesse Marcel a vu des restes qui semblaient appartenir à une soucoupe lors des fouilles. Il m'a expliqué que certains morceaux métalliques avaient une forme et une surface comme il n'en avait jamais vu par le passé. Enfin, il m'a confirmé que l'armée a remplacé les débris. Elle a rapporté par d'autres au moment de la conférence de presse. Filmé par la suite par une équipe de télé, Marcel confirmera ses propos. Mais rapporté, recoupé et déformé par les paroles de Friedman, ce témoignage approximatif devient malgré lui une preuve à conviction, la preuve que l'armée américaine cache la vérité sur l'affaire de l'accident de Roswell. Pourtant, la réalité est ici beaucoup plus prosaïque. En effet, il faut rappeler que Jesse Marcel n'avait jamais vu de ballon sonde de sa vie avant l'accident de Roswell. Face aux matériaux composites ultra-légers, souvent constitués de carbone ou d'aluminium, il est normal que l'homme n'ait pas compris de quoi il s'agissait. De plus, l'usage que Jesse Marcel fait du mot « soucoupe volante » ne correspond pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Contrairement aux apparences, le vieil homme ne fait pas référence à un vaisseau, mais parle bien d'un objet à la forme de disque. Un objet que la presse de l'époque avait décrit comme une soucoupe, en référence à l'accessoire de table de cuisine. Une chose toutefois, lorsque Marcel explique que les débris ont été remplacés lors de la conférence de presse, il dit probablement vrai. On n'a pas de peine à croire que l'armée américaine ait voulu ne pas dévoiler du matériel top secret destiné à espionner l'Union soviétique. Quoi qu'il en soit, l'affaire de Roswell est relancée. Deux ans plus tard, l'écrivain Charles Berlitz et l'ufologue William Moore sortent le premier livre sur l'accident. Intitulé « Le mystère de Roswell », l'ouvrage est une anthologie de témoignages et un recoupement d'informations. Point d'orgue de la démonstration, le témoignage de Jesse Marcel repris in extenso qui accrédite la thèse d'un vaisseau extraterrestre. Le livre de Berlitz et Moore connaît un succès considérable. Il est traduit dans plus de 15 langues. Ces deux auteurs sont invités sur les plateaux télévisés au Japon, au Royaume-Uni et jusqu'en Australie. Et surtout, ce livre, malgré l'absence de toute analyse scientifique sérieuse et crédible, va faire figure aux yeux des ufologues du monde entier de la preuve que l'État a menti. Lors de nos discussions avec le premier secrétaire Gorbatchev, j'en suis arrivé à lui dire: quand on arrête de penser qu'on est tous des enfants de Dieu, peu importe où on vive dans le monde, eh bien, imaginez comment il serait simple de nous entendre si soudain il y avait une menace sur ce monde de la part d'une autre espèce, d'une autre planète, au-delà de l'univers. Nous oublierions toutes les différences entre nos pays, et nous nous rendrions alors compte de qui nous sommes, nous, l'espèce humaine, à vivre ensemble sur Terre. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Au printemps 1986, lors de la soirée annuelle des correspondants de presse à Washington, le président des États-Unis, Ronald Reagan, termine son discours par une blague sur les extraterrestres. Et il n'a pas choisi son sujet au hasard. À Hollywood, les films à succès comme Rencontre du troisième type, E.T. l'extraterrestre, ou encore plus sombre, comme Alien le retour, trustent depuis plusieurs années les premières places du box-office. Dans les librairies également, les recueils de témoignages en tout genre et romans de science-fiction s'affichent en tête de gondole. En l'espace de quelques années, la culture extraterrestre est devenue un phénomène de société aux États-Unis. Et Roswell, petite ville jusque-là tranquille du Nouveau-Mexique, est devenue la Mecque des ovnis, le saint des soucoupes volantes et autres vaisseaux spatiaux venus d'un autre monde. À l'été 86, près de 12 000 personnes se rassemblent sur place pour le festival des objets volants non identifiés. Conférences, séances de dédicaces, de livres, visites à proximité de la zone 51, observations du ciel. Le phénomène extraterrestre ressemble à s'y méprendre à une industrie comme une autre, avec ses codes, ses règles et sa recherche perpétuelle de gloire. C'est en 1987 qu'intervient le véritable tournant de l'affaire de Roswell. Cette année-là, l'ufologue William Moore rend public un document secret qu'il se serait procuré auprès de l'un de ses contacts dans l'armée. Daté de 1952, il est à destination du président Eisenhower. Ce dossier est une sorte de résumé de ce qui s'est passé avant la prise de fonction de ce président-là. Travaux sur la bombe atomique, secrets militaires et deux pages consacrées à Roswell. Intitulé « Technologie et entités extraterrestres, récupération et élimination », on découvre dans ce feuillet que des cordes aliens auraient été récupérées sur le site du crash de Roswell avant d'être emportées dans un laboratoire secret. Pour les ufologues, les conspirationnistes et autres survivalistes, ce document fait figure de Graal. Certains d'entre eux lui ajoutent des détails souvent farfelus. En réalité, on ne l'apprendra que bien plus tard, ce dossier est un faux. Moore s'est fait berner par un canular, un truc d'étudiant, dit-on. Dans ce contexte-là, à la fois sensible et passionné, intervient en 1989 l'interview de Bob Lazar, l'ingénieur en électronique qui disait travailler au laboratoire S4 de la base de recherche de Los Alamos. Après avoir témoigné face à la caméra de George Knapp, Lazar accepte de passer le test du détecteur de mensonges. Le résultat de l'examen confirme qu'il ne ment pas. Pour autant, un journaliste de Boston découvre que son parcours universitaire semble avoir été complètement inventé. Aucune trace de lui, en effet, au California Institute of Technology. Aucune trace de lui non plus au MIT et aucune preuve matérielle autre que son témoignage. D'autant qu'on découvrira par la suite que ce même Bob Lazar était un proxénète. Il sera d'ailleurs condamné par un tribunal de Los Angeles pour cette raison l'année suivante. Mais l'une des conséquences de l'affaire Lazar et de toute l'agitation juridique des ufologues sur la déclassification de documents, c'est que l'armée va devoir révéler la vérité sur cette affaire. Car en 1994, une enquête de CNN démontre que 2 Américains sur 3 croient à l'existence des extraterrestres et que 3 Américains sur 4 pensent qu'on leur cache la vérité sur l'affaire Roswell. Et pourtant, comme l'explique l'ufologue Pierre Lagrange, ce qui s'est passé sur place en 1947 n'avait rien à voir avec les ovnis. Non, il s'agissait d'un projet secret, du nom de code Mogul. Ce qui s'était passé en 1947 près de Roswell dans le Nouveau-Mexique, donc c'était des débris d'engins volants qu'on avait retrouvés au sol. À l'époque, ça avait été expliqué comme étant les débris d'un ballon sonde. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ça correspondait à un programme ultra secret qui était au niveau de la bombe atomique, qui consistait justement à espionner, grâce à des trains de ballons géants, les Russes, au cas où ils auraient acquis eux aussi la bombe atomique. Mais dans les années 90, quand l'armée vient dire « oui, on a caché la vérité », en révélant que ce sont des ballons secrets, évidemment, ils sont plus audibles. Ils expliquent dans le même temps qu'ils ont caché la vérité en 1947 et que maintenant, ils vont dire la vérité. Et cette vérité est décevante pour la plupart des gens, puisqu'elle ne rejoint pas la thèse extraterrestre. Le dernier chapitre de l'affaire de Roswell se joue en direct à la télé un soir du mois d'octobre 1995 en France. Nous sommes en banlieue parisienne, dans les studios de la chaîne TF1 à Boulogne-Billancourt. Ce soir-là, le journaliste Jacques Pradel et son plateau d'experts tentent de lever le mystère. Pradel affirme que le producteur anglais Ray Santilli a obtenu un document d'un cinéaste de l'armée américaine désireux de garder l'anonymat. Selon l'animateur de TF1, le film a été authentifié par les laboratoires Kodak et daterait bien de 1947. C'est un film de 30 minutes, en noir et blanc, avec des images de mauvaise qualité tournées dans ce qui semble être un bloc opératoire. La vidéo montre une créature sur un lit, dans une pièce où opèrent 2 personnes, sans doute des chirurgiens. Le sujet, appelons-le comme ça, a un crâne très développé, de très grands yeux, le ventre gonflé, une bouche sans lèvres ni dents et des membres comportant 6 doigts. Il n'a pas de nombril et un sexe indéterminé. Le reportage est parsemé d'interviews de spécialistes qui accréditent toute l'authenticité des images, comme l'écrivain Martin Monestier, qui est persuadé qu'il s'agit d'un vrai extraterrestre et d'une vraie autopsie. Et je comprends pourquoi le producteur anglais peut jurer sur les saints évangiles que son film est vrai. Je pense, moi, que son film est vrai. Et quand il dit ne pas pouvoir jurer, par contre, que c'est un extraterrestre, mon explication est la suivante. Il s'agit, à mon avis, d'un film qui date de l'époque pour laquelle il est donné, 1947, et qui montre une véritable autopsie d'un phénomène humain. Et il faut savoir qu'en Europe, comme aux États-Unis, il n'y avait pas une ville de plus de 10 000 habitants qui n'avait pas sa baraque de phénomène. Et que le phénomène qu'on voit sur la table d'opération n'est pas un hydrocéphale, comme j'ai lu quelque part, mais un macrocéphale, qui était le phénomène de base, c'est-à-dire la petite attraction des petites baraques foraines. Dans les semaines qui suivent l'émission de Jacques Pradel, la cassette vidéo commercialisée par TF1 sera vendue à près de 10 000 exemplaires. Un succès hors norme. Or, ce n'était qu'une grotesque mystification. TF1 se serait fait abuser sur toute la ligne, ce qui vaudra à Libération ce commentaire. TF1 a bien diffusé ce soir-là un ovni qui comprenait un objet vidéo non identifié. Ray Santilli, l'homme qui a vendu la cassette à Jacques Pradel, n'était rien d'autre qu'un manipulateur. Les aliens sur la table d'autopsie n'étaient que des maquettes en mousse et en cire. Toute honte bue, TF1 continuera son chemin. Les histoires d'extraterrestres sont comme les histoires d'amour, en général, finissent mal, parce que c'est souvent une histoire d'espoir déçu. Mais Roswell, comme l'amour, est et restera toujours une véritable machine à rêver, à fantasmer. Un épisode qui nous autorise à nous poser la question, et si nous n'étions pas seuls dans l'univers ? Autre planète, je suis un genre de martien à grosse tête. Je me suis échoué sur votre terre et c'est comme si j'étais tombé en enfer. Moi, vous savez, je viens d'un autre univers. Et chez moi les choses ne sont point aussi grossières. Je me suis déguisé pour être anonyme. Je préfère éviter d'être votre prochaine victime. Vous êtes des grands singes sous vos costumes trois pièces, sans rien dans les mains que la force et la fesse. Votre planète bleue serait un vrai paradis si vous changiez un peu votre psychologie. Je suis un martien à grosse tête et je vers le ciel. Vous êtes à peine capable de vous aimer vous-même. Vous laissez vos semblables dans la misère et la peine. Vous saccagez la nature qui vous a vu naître. Vous n'aimez que les voitures, les dieux et les maîtres. Vous laissez le pouvoir au plus d'un d'entre vous et les drames de l'histoire se répéter partout. Vous êtes les plus cons de l'univers. Vous laissez les seconds vraiment très loin derrière. Mais vous l'emporterez pas, non, au paradis. Attendez un peu que me retrouvent mes amis. Si l'envie de vous lire me passait par la tête, je pourrais bien leur dire de raser la planète. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. L'OVNI de Roswell, notre invité Thomas Negaroff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, journaliste à France Info. Alors, il semble que l'ufologie, la croyance en l'existence d'extraterrestres soit quand même une recette qui marche aux États-Unis. Est-ce que culturellement, les Américains sont plus ouverts, peut-être que nous ou d'autres, à ce fantasme qui un jour peut-être sera réalité, on ne peut rien affirmer. Il y a une enquête de janvier 2020, donc très récente, hein, d'Ipsos Amérique, qui révèle que quasiment un Américain sur deux croit non seulement l'existence des ovnis, mais que les ovnis sont déjà venus sur Terre. Ah, d'accord. Alors c'est intéressant votre question je vois un peu ce que vous voulez dire. Il y a un peu un business derrière ça. Aussi, oui. Oui. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que la première fois qu'on a évoqué un crash d'ovnis sur Terre, c'était aux États-Unis, à Aurora dans le Colorado. On est en 1897 et ça s'est révélé une supercherie totale. Et vous savez pourquoi ? Non. Parce que le train ne passait pas par Aurora à ce moment-là, oui. Et que les gens de la ville voulaient qu'on parle un peu de leur ville aussi. Et donc ils ont inventé cette idée-là. Bien joué. On est à peine 2-3 ans après qu'on ait vu par les premières lunettes astronomiques des espèces de ce qu'on a des lignes droites sur Mars. On s'est dit c'est des canaux forcément faits par une intelligence supérieure, peut-être qui ressemble un peu à des hommes, d'où l'expression de martien. Et très vite, boum, On part de cette observation, qui a une réalité d'observation, à une réalité un peu mercantile, à savoir, ils sont tombés à Aurora pour qu'on parle de la ville. Alors, mercantile, d'accord. Mais pas que. Mais pas que. Culturel aussi. Regardez le cinéma américain. Bien sûr. Il est très fort dès qu'il s'agit d'aborder ces problématiques. C'est culturel, donc, aussi. Oui. Vous savez, il y a 2 ans, j'avais rencontré Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard me dit, mais vous êtes spécialiste de quoi? Je dis, des États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est intéressant parce que, en fait, vous êtes historien d'un pays qui n'a pas d'histoire et qui projette ses histoires sur le monde. Et on commence à parler d'histoire et de cinéma. On parle de western, bien sûr, avec lui, adorateur du cinéma des années 30. Et puis, on parle de science-fiction. Et effectivement, il y a bien l'idée que l'Amérique projette des histoires, projette des fantasmes sur le monde. Et c'est quand même incroyable que tout ça vient des États-Unis, quand même. Je vous ai parlé d'Aurora, mais tout le mouvement soucoupe volante, tel qu'on voit à Roswell, par exemple, c'est né à partir de 1947 par des observations d'Américains. C'est dans un contexte américain, tout ça. Alors, bien sûr, il y a aussi des réalités en France et en Europe, mais souvent, la science-fiction et la littérature de science-fiction et la perception de ces fameuses soucoupes volantes, l'expression même est américaine, ça vient des États-Unis. Une volonté de projeter aussi des histoires, des fantasmes, des belles histoires aussi, avec tout de même aussi derrière ça, je pense, un trait culturel américain qui est assez fort, qui est une défiance, et on l'a vu avec Donald Trump, envers la parole officielle, une défiance envers la science, avec l'idée que finalement, on nous cache des choses. Et ce que Pierre Lagrange expliquait bien dans votre histoire, c'est le sociologue des ovnis, il racontait bien que à partir du moment où l'armée cache une réalité, eh bien, si elle dit autre chose après, eh bien, il ne reste que le doute. Et dans le doute, viennent rentrer tout des tas de fantasmes et des histoires et des mythologies. C'est quoi? C'est la théorie du complot ou c'est un sentiment démocratique tellement fort qu'on considère qu'on doit tout dire? D'ailleurs, c'est un peu les deux parce que je rappelle que pendant la conquête spatiale, qui était en fait d'abord un élément de la guerre froide, la conquête de la Lune, bien sûr, les Soviétiques cachaient tout, notamment leurs accidents graves, les Américains, Apollo 1 par exemple, disaient tout, donc c'est culturel aussi ça de dire. Oui, la transparence. Et une volonté, mais vous avez raison, la guerre froide elle est indépassable dans cette histoire que vous venez de raconter de Roswell. Parce que on sait aujourd'hui que ce sont des ballons, des sondes qui visaient à aller espionner le programme nucléaire soviétique. On sait aussi qu'ensuite, quand on a trouvé ce qu'on a cru être des corps de martiens, en fait, c'était là encore un programme dans le contexte de la guerre froide. On essayait de voir comment le corps humain pouvait résister à des, c'est un programme qui s'appelle High Dive, à des parachutages très très haute altitude. Donc pour essayer, on a lancé des mannequins. Et effectivement, on a trouvé des mannequins, non pas en 47, mais en 53. Et c'est ces mannequins-là qui ont donné tout ce délire du film Roswell, TF1, Pradel, etc. Donc c'est vraiment dans un contexte de guerre froide. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, les Américains ne disaient pas cela parce que c'était dans la guerre froide. Mais vous savez que les Soviétiques ont infiltré ou ont tenté d'infiltrer des réseaux d'ufologues, de gens qui croient dans les ovnis, pour les nourrir parce que eux n'y croyaient pas, les Soviétiques. Mais ils se disaient, grâce à eux, on va pouvoir apprendre des choses sur les secrets du programme américain nucléaire. Bien joué aussi. Ben oui. Alors cette zone 51, oui, est-ce qu'elle est toujours entourée de mystères aujourd'hui, presque mystique quoi. Ah oui, il y a pas longtemps, il y a eu un grand mouvement mystérieux, je veux dire, pas mystique, hein, pardon. Mystérieux. Ouais, mystique aussi. Il y a eu un grand mouvement récemment de gens qui voulaient aller voir ce qui se passait. C'était le grand jour où on allait pouvoir voir enfin ce qui se passe. En fait, la réalité, c'est que, moi je ne sais pas si les ovnis existent ou pas, mais ce que je sais, c'est que le secret des programmes nucléaires et militaires américains existe. En France, c'est pareil aussi. Et dans tous les pays du monde, c'est pareil. Bien sûr. Et dans ce secret-là, dans ce secret total et très très bien gardé, eh bien viennent forcément entrer des tas de fantasmes, des tas de réalités dites parallèles. Réalité parallèle, ça fait aussi penser à X-Files, vous savez, la série qui s'est nourrie énormément de Roswell. D'ailleurs, j'ai découvert en préparant un peu notre entretien qu'il y avait une nouvelle série actuellement qui s'appelle Roswell, New Mexico. Donc c'est pas fini cette histoire-là, alors qu'on a quand même largement débusqué. Vous savez, les ufologues d'aujourd'hui, ils y croient pas trop. D'ailleurs, ils aiment pas trop parler les ufologues sérieux, hein. Ouais. Et même ceux qui y croient, ils aiment pas trop Roswell. C'est contre-productif. Oui, c'est un peu la caricature. Ah, oui. Il y a ce film ridicule, il y a ces témoignages qui ont été vraiment battus en brèche depuis. Et donc ils se disent non, mais quand on regarde Roswell, en fait, ça dessert notre cause parce qu'on ne met en avant qu'une théorie un peu fumeuse et qui vraiment empêche d'aller plus loin dans la vérité. J'ai entre mes mains un livre qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais vous y racontez une histoire qui est passionnante. Alors, ça croise aussi les États-Unis, hein, c'est aussi pour ça que finalement on arrive à raconter. C'est vraiment passionnant, voilà, il y a un vrai scénario, ça s'appelle Pudsey, on en parle dans 3 minutes. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Thomas Negaroff, vous avez donc publié il y a un mois un roman historique intitulé Pouzi. Pouzi, c'est un homme. Si je voulais faire une devinette, je dirais mon nom et personne, mais j'ai côtoyé et Roosevelt et Hitler. Ouais. Allez, qui est cet homme et que veut-il? Alors, successivement, Hitler et Roosevelt. En fait, Pouzi, Ernst Amstengel de son vrai nom, est un Américain et Allemand. Enfin, il est Allemand par son père, Américain par sa mère. Et il ne va cesser toute sa vie de chercher à réunifier ces deux mondes en lui-même. Et lui, il va en faire un projet quasiment de géopolitique mondiale. Il est, pendant la Première Guerre mondiale, aux États-Unis. Son père l'a envoyé développer l'entreprise familiale de marchand d'art. Il est diplômé de Harvard, il est à New York, il ouvre une boutique. Et puis en 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Mmh. Il est coincé aux États-Unis. Deux de ses frères, engagés dans l'armée allemande, dans les régiments bavarois, sont tués. Il a un sentiment de culpabilité. Ses biens sont saisis. Il est un ennemi désormais dans le pays de sa mère. Et il rentre en Allemagne. Et il découvre, il assiste un peu par hasard à un discours d'Hitler. Et il découvre en Hitler quelque chose qu'il recherche, à savoir une forme de consolation pour l'histoire qu'il a ratée. Mmh. Et il va voir dans le regard d'Hitler, aussi le regard de son frère mort, il voit tous ses soldats autour de lui, il dit « ça y est, j'ai un destin, je peux exister ». Il va offrir à Hitler de l'argent, des réseaux familiaux, il va aussi lui jouer du piano, et notamment du Wagner. Ah bah oui, forcément, Wagner. Qui régénère Hitler régulièrement. Mmh. Il va devenir son principal confident à un moment donné, par exemple, en sortant de Landsberg, la prison où Hitler est emprisonné quelques mois après l'échec du putsch de Munich. C'est chez Pouzi qu'Hitler se rend à Noël 1924. Mmh. Pouzi a été important même dans la rédaction de Mein Kampf. Il lui ouvre des portes des écrivains américains sur la question raciale. Donc il y a une relation très forte entre eux. Alors, je vous passe les épisodes, mais dans les années 30, il devient monsieur presse étrangère à partir de 33. Donc c'est un dignitaire nazi, Pouzi. Mm-hmm. En 1934, on évoquait tout à l'heure avec Roswell les secrets de l'Amérique. Voilà d'autres secrets. En 1934, il est invité pour les 25 ans de l'anniversaire de sa promotion de Harvard aux États-Unis. Dans les États-Unis de Franklin Delano Roosevelt, il est invité en pleine gloire pour les 25 ans de sa promo. Il arrive à Harvard, c'est l'invité de vraiment de premier plan, alors qu'il est un ministre d'Hitler tout de même. Hein. Ouais, c'est à ce moment-là aussi où le Madison Square Garden va être plein de nazis avec des croix gammées. Ce livre me permet de raconter aussi tous ces États-Unis fascistes des années 30 qui regardent avec intérêt, avec passion, l'Allemagne hitlérienne. Et puis, Goebbels va vouloir se séparer de cet homme qu'il voit comme un concurrent, comme un adversaire dans le cœur d'Hitler et dans la propagande hitlérienne. Et par un jeu assez complexe et par une histoire assez rocambolesque, mon personnage, Pouzi, se retrouve en Angleterre au début de la Seconde Guerre mondiale. Churchill, quand il arrive au pouvoir en mai 40, ne veut aucun allemand sur son sol, fasciste ou antifasciste, peu importe, ils sont tous envoyés au Canada. Et mon bonhomme se retrouve, au début de la Seconde Guerre mondiale, au Canada dans un camp de prisonniers britanniques. Et c'est là où Roosevelt, président des États-Unis, qu'il avait connu du temps de Harvard au début du XXe siècle, se dit « j'ai besoin de ce gars pour faire de la propagande anti-hitlérienne ». Et il va ainsi avoir un bras de fer entre Churchill et Roosevelt pour avoir ce prisonnier. Churchill ne veut pas le laisser et Roosevelt l'obtient. Et c'est ainsi que Roosevelt a comme homme de confiance désormais, qui fait de la propagande, des rapports tous les jours sur Hitler, il écoute la radio, etc. Mmh. Et bien mon personnage, qui s'est donc retrouvé être le seul être humain, et c'est une réalité historique, à avoir été le confident d'Hitler, puis, d'une certaine manière, le confident de Roosevelt. Et à travers son histoire, c'est fascinant, à travers son histoire concernant l'Allemagne, c'est l'histoire d'un aveuglement, oui. C'est aussi l'aveuglement du peuple allemand. Bien sûr. Hein. Et puis, côté américain, il y a l'histoire officielle, oui. Puis il y a celle qui est moins connue. Voilà. Et qui est dans la trajectoire de cet homme, vous dites. Cet homme, il est intéressant aussi pour ça, c'est qu'il me permet de raconter la fascination que pouvait exercer Hitler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écrits sur la fascination collective, sur la psychologie des masses, il y a des textes de Carl Jung là-dessus, etc. Mais je trouvais ça intéressant de raconter à l'échelle d'un homme. Qu'est-ce qui se passe chez un homme quand il découvre ça? Qu'est-ce qu'il trouve en Hitler? Et ce terme-là de consolation que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas un terme qu'on emploie souvent avec Hitler. On emploie plutôt de la sidération, de la fascination. Là, il trouve avec lui une forme de consolation. Et beaucoup d'Allemands ont trouvé cette consolation. Vous savez, dans mon roman, il y a un autre personnage important qui est le cinéaste Hans-Jürgen Sieberberg, qui est un cinéaste qui n'existe plus aujourd'hui sur la scène internationale, qui est encore vivant, qui est un vieux monsieur, qui a fait un film extraordinaire qui s'appelait Histoire d'un film, un film d'Allemagne à la fin des années 70. Et je l'ai rencontré pour ce livre, et il me dit, j'étais choqué, hein. Je crois que l'Allemagne n'a jamais été autant l'Allemagne que sous Hitler. Ouais. Et c'est sidérant. Phrase forte que j'avais notée d'ailleurs. Ouais, absolument. Extrêmement puissante. Mm. Et donc, Puzzi raconte ça, et puis effectivement, vous avez raison, on raconte ensuite tout cet intérêt de l'Allemagne, des États-Unis pour l'Allemagne et inversement. Passionnant. Puzzi chez Gallimard. Thomas Znegaroff. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mystère Roswell, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Kevin Pelot.